Comme vous savez, dans l'ordre de gravité, le péché le plus grave dans l'islam, c'est l'associationnisme, le shirk, et la mécréance, ces péchés qui font sortir de l'islam. Ensuite, l'associationnisme mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est un péché dans lequel il y a une forme d'associationnisme, mais qui n'arrive pas à l'associationnisme majeur. Donc l'associationnisme mineur est plus grave que tous les grands péchés. Et le fait qu'il soit appelé mineur, c'est pas pour minimiser de sa gravité, mais juste pour le distinguer de l'associationnisme majeur qui est encore beaucoup plus grave. Et qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah prenne nos âmes dans son unicité et dans son obéissance.